Ma monnaie prend la demain, je la reprendrai. Pas de remède pour un traître à part le fer, yeah. Ma confiance, je la donne seulement à ma mère, yeah. Bébé, tu es S-A-I-S. Avec le S-A, oui, yes. Manager F-A-I-S, yes. Je veux pas la P-A-I-X. J'suis dans le VIP, bitch. C'est ma seule thérapie, yes. Clash E, clash S. Tes yeux comme de plein de cesse. Helico, dans mes checks. Cocaine, Mexico, Big H. T'es HS, t'es mal à l'aise. Elle est bien loin, ma Rolex. Paradise, plein de ice. NSI, tu n'es qu'un trait, très dynamique. J'suis dans le track, j'ai remis. T'es tellement fake, maladie. J'n'ai que tes frères, je n'ai pas d'amis. Elle fait du Gucci, Louis V. Uzi fait mouche, élimine. T'es sur la touche, t'es débile. Triple 6, dans le dos. Beaucoup de haine, trop de flow. Beaucoup de peine, peu de mots. Beaucoup de haine, je le vaux. Bien, bien. Bébé, tu es S-A-I-S. Avec le S-A, oui, yes. Manager F-A-I-S. Ma conscience me dit que ces niggas mentaient. Ma monnaie prend la demain, je la reprendrai. Pas de remède pour un traître à part le fer, yeah. Ma confiance la donne seulement à ma mère, yeah. Bébé, tu es S-A-I-S. Avec le S-A, oui, yes. Manager F-A-I-S.